partager, les lèvres posées, côté secret, en grand sourire. Kevin trahissant ta pensée, c'est les désirs, car elle montait. J'ai froid.